Section 5 de À la plus belle par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 9, 10. Chapitre 9, Charles et Anne. C'est uniquement parce que Pierre Gillot de Tours en Touraine était valet de Barbier que nous avons mis une sorte de négligence à peindre sa personne. Pourquoi faire un portrait en pied d'un si pauvre air quand les pages de ce livre fourmillent de noms nobles? Quand nous aurons sans doute à nous occuper de son illustre maître, Olivier Ledain, comte de Melon, et même du maître d'Olivier Ledain, Louis de France. Il est bien vrai que l'art ne tient pas compte des grades. Callot, mis en face d'une armée, néglige le général pour dessiner l'humble goujat, dont les loques se drapent mieux sous le crayon. Charlet, l'appel de notre Olympe soldatesque, ne quitte le caporal que pour la cantinière et la cantinière que pour le conscrit. Nonobstant ces exemples, nous sommes bien résolus à ne point vous dire combien de rides Pierre Gillot avait sous l'œil droit quand son sourire félin et un peu sournois éclairait son bilieux visage. Nous vous tairons cette circonstance qu'il croisait volontiers ses jambes l'une sur l'autre alors qu'il était assis. Nous ne vous apprendrons même pas que, devançant les âges, il tournait ses pouces bellement, comme nos oncles poudrés, amis de l'encyclopédie et guillotinés par elle. Et pourtant Pierre Gillot n'était pas le premier venu, mais nous aurons à vous reparler de lui. À cette question du bon frère Convert, depuis quand les valets de Barbier confèrent-ils le noble ordre de la chevalerie, Pierre Gillot baissa les yeux et frotta du revers de sa manche une tache qu'il avait à ses chausses. « Avez-vous vu les chats lisser leurs poils quand va tomber la pluie ?» Frère Bruno le regardait en homme qui vient de frapper un grand coup. « Hé, hé, mon digne frère, murmura Gillot tout doucement, vous devez être un peu clair, puisque vous portez le froc depuis longtemps. Voici une anecdote que vous avez pu lire dans l'historien Troc Pompée, abrégé par Justin. Philippe, roi de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, avait un ministre qui avait une femme, qui avait un cousin, qui avait un joueur de flûte, qui avait un chien. Le chien devait avoir un philosophe, mais l'histoire garde le silence à cet égard. Un Illyrien qui s'appelait Philopator ou Philométor, suivant qu'il avait empoisonné son père ou sa mère, eut la fantaisie de gouverner une ville de Cappadoce. À qui pensez-vous qu'il s'adressa ? Au roi, répondit frère Bruno. Non pas. Au ministre ? Du tout. À la dame ? Point. Au cousin, alors, pas davantage. J'entends, il alla au joueur de flûte. Vous n'y êtes pas encore, mon frère, il alla au chien, après s'être muni d'un bon morceau de viande qu'il lui offrit avec respect. Le joueur de flûte était fou de son chien, le cousin écoutait le joueur de flûte, la dame avait confiance dans le cousin, le ministre aimait la dame, le roi détestait le ministre. L'Illyrien, de fil en aiguille, eut son gouvernement. « Ah, par exemple, s'écria le frère Bruno, voilà une bonne aventure. Voulez-vous me la redire pour que je la puisse conter couramment ?» Pierre Gillot répéta son anecdote avec une parfaite obligeance. « Et la date ?» demanda le moine, « car j'aime à dire, c'était en l'an 340 avant Jésus-Christ, mon frère. »« En l'an 340 avant notre Seigneur, » grommela Bruno, qui faisait son travail mnémotechnique. Philo Patte d'Or d'Arménie, qui achète de la viande au lévrier du joueur de vielle, du cousin de la femme du ministre de Philippe, père d'Alexandre le Grand. Est-ce bien cela ? Parfaitement. Le chien devait avoir un nom, et le joueur de musique aussi. C'est égal, ma foi compère, vous êtes un camarade de joyeux déduit, et je serai bien aise de vous rendre service. C'est donc de mon ami Jeannin que vous avez besoin. Pas moi, mais bien mon maître. Alors que signifie l'histoire du lévrier ? « Parce que Dieu, murmura Pierre Gillot, voici un vieux retors. L'histoire du chien, mon frère, vient comme il faut en ce sens que Jeannin aura affaire à moi. Et que lui direz-vous ? Mon frère, il y a de riches et nobles héritières à la cour de France. Ce Jeannin est-il marié ? Il est veuf. Sans enfant, il a une fille belle comme les amours. À la cour du roi de France, mon frère, il y a de nobles et riches jouvenceaux. J'entends bien, mon compère, mais ce que je veux savoir... « C'est le secret d'État, n'est-ce pas ?»« Juste. » Pierre Gillot rapprocha son siège. Il eût fallu être plus expert que le frère Bruno pour découvrir le travail soudain et rapide qui se faisait dans la tête de cet homme. Son visage ne changeait point, sa parole restait douce et tranquille. « Aimez-vous les Anglais ? » demanda-t-il en fixant sur le moine ses regards subitement relevés. Le moine crut le voir pour la première fois. « À peu près comme le chômage, mon compère. Eh bien, ce qu'on veut faire a trait aux Anglais. Voyons un peu cela. C'est une négociation prise de très loin, et qui se rapporte encore pour un peu à l'anecdote Troc-Pompée, car enfin, on pourrait aller tout droit à M. Tanguy de Chastel, sinon au duc de Bretagne. Mais on a le temps, tout le temps, puisque Madame la Reine n'est encore enceinte que de 3 mois. « La Reine de France !» interrompit Bruno, qui ouvrit de grands yeux. « Oui, mon frère, la Reine de France. Et cette fois, Maître Coictier, le médecin du roi, a dit que Madame Anne de Beaujeu aurait un petit frère, un dauphin, par Notre-Dame du Plessis. Et Maître Coictier n'a jamais fait erreur en sa vie. « Ça me rappelle, dit Bruno en riant, l'aventure de Michel Savon, le vétérinaire de Rouen. Il devinait rien qu'à peser un œuf frais s'il y avait dedans un cochet ou une poule. Michel Savon est mort en l'an 42 au lieu de la Grande Lande, sous Mignac-Morvan. Sa veuve est borgne d'un œil et sa fille aînée a épousé le messager du vieux bourg de Mignac, qui avait 3 enfants de sa première, Yvonne le Sèche, de Janzé, d'où viennent les Poulardes. Ce fut Joson Pilloux, le premier mari de cette Yvonne-là, qui mit le feu au clocher de Becherel en revenant ivre de la noce de son frère, Hervé Pilloux, corroyeur de son état, maintenant trépassé. « Mais dites-moi vos secrets d'État, mon compère Gillot, de Tours en Touraine. Vous voyez bien que je ne suis pas bavard. On me hacherait menu comme chair à pâté avant de m'en arracher une parole. » Pendant que Bruno parlait, l'homme au surcot brun souriait d'un air bien honnête, ce qui ne l'empêchait point de réfléchir. « Vous devez être discret comme un sein de bois, mon bon frère, » dit-il. « Cela se voit du reste, et je n'hésite pas un seul instant à vous confier les destinées de la France. » Frère Bruno se redressa, et prit l'attitude qui convient à un homme dont les oreilles vont entendre un oracle. « Entre la Bretagne et l'Anglais, reprit Pierre Gillot, Dieu a mis la grande mer. Entre la France et la Bretagne, Dieu n'a mis qu'un ruisseau. Qui oserait prétendre que Dieu fait les choses à l'aveugle ou à la légère? La Bretagne est à la France, comme le fleuve est à l'océan, comme le bras est au corps. Cela doit être, cela sera. » « Mon compère, dit Bruno, « vous m'avez, oui, parlé tout à l'heure de M. Hugues de Morvert, seigneur du Rose, de l'Aumône et de Saint-Jean-des-Grèves. Celui qui ajourna le duc François Ier au tribunal céleste ? Précisément, si j'en reviens à lui, c'est que Jeannin, mon ami, était son serviteur, et que M. Hugues songeait bien souvent à ce que vous dites. « Il était de mon sentiment ? Demanda Gillot avec vivacité. « Comme le patient est de l'avis du bourreau qui lui crie « il faut mourir ». Non, non, mon compère. « Celui-là était un breton du vieux sang. Mais ce que vous désirez, il le redoutait, et cela me frappe. Vous plaît-il que je vous récite la manière de prophétie que M. Hugues nous fit à son lit de mort ?»« Cela me plaît, » répondit Gillot sans hésiter. Frère Bruno n'était point habitué à pareil empressement. Il se sentait véritablement grandir devant cet homme qui lui confiait des secrets d'État et qui ne demandait pas mieux que de l'écouter. « C'était au manoir du Rose, » reprit-il, « là-bas, de l'autre côté de la mare Saint-Coulement. Je me trouvais là pour une visite d'amitié que je faisais à la pauvre Simonette Le Priol, la défunte femme de Jeannin. Monsieur Hugues tremblait son agonie depuis le matin. Quand le soir tomba, il dit au prêtre « Appelez mon fils Aubry et ma fille Reine, et le petit Aubry leur enfant. Appelez mon cousin Morin de Morvert, seigneur du Quesnoy. Appelez Berthe sa fille. Appelez Jeannin le brave homme. Et tous, toutes, car je vais rendre mon âme à Dieu, mon Créateur. » Ils vinrent tous, ils étaient beaucoup qui pleuraient, parce que Morvert avait vécu en gentilhomme et en chrétien, doux aux faibles, dur aux forts. Messire Aubry et Madame Reine lui donnèrent la main. Il me sembla encore entendre la voix du vieillard lorsqu'il se leva sur son séant pour la dernière fois. « Mes amis, dit-il, mes serviteurs et mes enfants, voici l'heure de ma mort. Je vais prier pour vous dans un meilleur monde. Ne me regrettez pas, j'ai trop vécu. » Aubry Ier, mon gendre et mon ami, tu me suivras de près. Reine, ma fille, économise tes larmes. Tu souffriras cruellement et longtemps sur cette terre. Aubry II, mon petit-fils, tu verras la Bretagne mourir. Pierre Gillot tressaillit comme on fait un choc violent. Si vous voulez, mon compère, fit Bruno, je n'en dirai pas davantage. Si fait, mon frère, si fait. Mes nerfs ont 50 ans bientôt, ils ne me demandent plus licence pour tirailler mes membres. « Vrai Dieu, compère, moi, j'ai 20 années de plus que vous. Mes nerfs ne se tiennent que trop en repos. Mais je continue, puisque c'est votre bon plaisir. Monsieur Hugues dit donc ceci. Au bris d'eux, mon petit-fils, tu verras la Bretagne mourir. » Il fit un silence, pendant quoi on n'entendit que le bruit des sanglots contenus. Il regardait le ciel de son lit où deux lévriers brodés soutenaient l'écusson de Bretagne. Ses yeux éteints revivaient et s'inspiraient. « Honte à nous, » reprit-il d'une voix changée, « malheur à nos enfants. Honte à nous qui avons péché contre Dieu. Malheur à nos enfants qui subiront le joug étranger et qui perdront le nom de leur pays. Écoutez, nos pères sont venus de Galles et de Cornouailles, mais ce sont des Saxons et des Normands qui sont maintenant au pays de Cornouailles et de Galles. Ne vous faites pas anglais. Le français vient, breton. Ô vieux fils de Murdoch, où sont vos lances? Ne vous faites pas français. Mettez plutôt votre sang dans la rivière du Couesnon qui s'élargira comme une mer pour séparer les Français des Bretons. Écoutez, voici les lances de Bretagne. Voici les épées de Léon et les épées de Tréguier. Voici les chevaliers de Kern, voici les hommes d'armes de Quimper, Nantes, Rennes, Vannes, Saint-Malo, Dole et Pontivy, Bonneville, soldats vaillants, Fougères, Vitré, Morlaix, Lannion, Guingamp, Redon, Montfort, Lamballe, Montcontour, Hennebon. La France a-t-elle plus de cités que nous et de plus fortes? Car j'oublie Châteaulin, Combourg, Loudéac, Saint-Paul, Paimpol, Brest, le grand port de mer, Pont-Orson, Quimperlé, Châteaubriant, Plohermel et Guérande. C'est un ancien royaume que notre Bretagne. Combattez et mourez, ne vous faites pas français. Mes parents, mes enfants, mes vassaux, je suis content de mourir, puisque ceux qui vivront, vivront déshonorés. Écoutez, les années ont passé, la France a reculé devant le jeu de l'épée, Louis XI est mort, mais son esprit cauteleux lui survit. Eh bien, mon compère, s'écria ici Bruno, qu'avez-vous donc? Les dents de Pierre Gillot avaient claqué à ce mot « Louis XI est mort » et il était tout blême. « Allez toujours, » dit-il. Il ajouta tout bas « Les rois sont mortels, je le sais bien. » « C'est vous qui le voulez, » reprit Bruno, remarquant son trouble avec étonnement. « Je continue. Il disait donc tout cela, le vieux seigneur à l'agonie. Il disait « Mais vous m'avez coupé le fil de mon inspiration et je ne sais plus comment le renouer. » En un mot comme en mille, M. U nous annonça très clairement qu'après le décès de Louis XI, il y aurait du nouveau, que la Bretagne ne serait point conquise par le fer, mais bien escamotée, qu'un mariage se ferait. « Un mariage ?» répéta Pierre Gillot, dont l'émotion était extraordinaire. « Et par hasard a-t-il dit le nom des fiancés ?»« Oui bien, il les a dit, » répliqua Bruno. Pierre Gillot tira un petit parchemin de la poche de son surcot. « Mon bon frère, » prononça-t-il d'une voix tremblante, « une sainte recluse des bords de la Loire a fait une pareille prédiction, et les noms qu'elle a dits sont sur ce parchemin béni. Répétez ceux que prononça M. U, nous verrons si ce sont les mêmes. Charles et Anne, » dit frère Bruno. Pierre Gillot ouvrit le parchemin et lut « Charles et Anne ». Chapitre 10. Comme quoi frère Bruno trouva des noms macédoniens pour le chien du joueur de flûte et différents autres personnages. Le frère Bruno resta un instant bouche béante, considérant le parchemin de Pierre Gillot avec de grands yeux ébahis. « Ah ah ! » dit-il enfin, « voilà ce que j'appelle une bonne aventure. Mais, mon compère Gillot, que parlez-vous de madame la reine qui est enceinte? Il nous faut un Charles et une Anne. Vous avez déjà la petite madame Anne de Beaujeu pour la France. C'est à la Bretagne de nous fournir un Charles. » Et pour mon salut, Gillot, madame Marguerite de Foix, femme du duc François, est enceinte aussi. C'est elle qui fournira le Charles. Non pas, s'écria l'homme au surcot brun avec vivacité. Mon maître, ou pour parler mieux, le maître de mon maître, tient à donner le Charles. Eh bien, mon compère, reprit Bruno, j'ai fait plus d'un mariage en ma vie. D'abord celui de Guinou Martelousson, du bourg de Houle, avec Niel Barou, sa nièce, à la mode de Breton, qui est dans l'évêché de Rennes, derrière Saint-Grégoire. Et ce fut une belle noce, assurément, oui. À telles enseignes que le sire de la Motte, de Vauvert et de Bronze, donna 10 anges d'or à Niel pour parer sa maison. C'est ce sire de Bronze qui allait en guerre avec une épée de 12 pieds, comme Thibaut de Champagne, et qui disait à sa femme, laquelle était une carouente de Basse-Bretagne, « Madame Mamie, » Mais Gillot ne voulait pas savoir ce que le sire de la Motte, de Vauvert et de Bronze disait à sa femme, qui était une carouente de Basse-Bretagne. Il interrompit le frère Bruno d'un air bien honnête. « C'est surprenant, dit-il, quel plaisir j'éprouve à vous entendre discourir. Allons donc, mon compère, laissez-moi poursuivre. » « Je le voudrais, mais je ne suis qu'un pauvre homme gagé pour obéir. et mon maître est sévère. Revenons à notre mariage, j'y consens. Dans 3 ou 4 mois, Charles de France et Anne de Bretagne naîtront, si Dieu le veut. La première chose à faire, si j'ose vous donner un conseil, ce sera de les baptiser. Après quoi, on les mettra en nourrice. Au bout d'un an et un jour, on les sèvera. Mettons encore 6 mois, Madame Anne de Bretagne dira « Papa » en langue gaélique, et Monseigneur le Dauphin de France criera « Maman, maman !» Ce sera le bon moment pour les accordames. Excellent frère Bruno, fit l'homme en surcot brun, en lui prenant les deux mains et d'un accent pénétré. Je n'ouïs jamais âme qui vive plaisanter aussi agréablement que vous, et l'on peut dire que les fondements de cette grande affaire d'État auront été jetés avec beaucoup de gaieté. Et de légèreté, mon compère, à 600 pieds au-dessus du sol, c'est la hauteur du carreau de ma cellule. De plus en plus ingénieux et spirituel. Quand on s'y met, voyez-vous, cela me fait souvenir d'un bon mot qui m'échappa en l'année de la mort du feu roi, l'avant-veille de la Chandeleur. Don Durène, le tailleur de Villedieu, me disait « Écoutez, interrompit gravement Pierre Gillot, je passerai là 2 semaines à vous admirer, je me connais, et je serai châtié, c'est chose certaine. Je fais donc effort sur moi-même, et je me bouche les 2 oreilles. Voulez-vous m'accréditer comme votre ami et compagnon, auprès de l'homme d'armes, Jeannin ?» Frère Bruno hésita un instant. Après tout, pensa-t-il tout haut, car penser tout bas, c'est perdre une bonne occasion de jouer de la langue, il ne peut en arriver de mal à mon ami Jeannin. Et d'ici que monsieur le dauphin futur et madame Anne de Bretagne, sa femme, qui est à naître, arrivent à l'âge de raison, il coulera bien de l'eau sous le pont de la C. Je veux bien, mon compère. Et que demandez-vous pour prix de ce service? Je demande que, si faire se peut, on mette ma cellule au rez-de-chaussée. En bas, on trouve plus de monde à qui parler, et quoique je sois naturellement taciturne, vous aurez une cellule au rez-de-chaussée. Ouida, c'est pourtant plus difficile que de créer un chevalier, elles sont toutes prises. Maître Olivier Ledin y pourvoira, je vous le promets. Voilà donc qui est entendu. Maintenant, regardez-moi bien en face, mon compère Gillot, de tour en tourne. Ce que je vais vous dire est pour votre salut. Allez vers mon ami Jeannin, puisque c'est votre envie. Mais souvenez-vous de ne lui rien demander qui soit contre le devoir d'un chrétien ou l'honneur d'un breton, car il vous casserait les 2 bras, les 2 jambes et la tête. Tenez, je vous prête mon rosaire, il le connaît bien par mon saint patron. Vous le lui montrerez et vous lui direz « Je viens de la part du vieux Bruno qui compte de si bonnes aventures ». « Je n'y manquerai pas, » répliqua Gillot en recevant le rosaire à grain d'ébène. « Grand merci, mon cher frère, et au revoir. » « Au revoir. » Gillot se dirigea vers la porte et sortit. « Oh là !» s'écria Bruno en le rappelant. « Revenez donc ça un petit peu, mon compère. J'ai oublié la date de l'histoire du chien, du joueur de flageolet, du cousin de la dame, du ministre, du roi Philippe de Macédoine. 340 avant Jésus-Christ, mon frère. Bien, bien, cela suffit. Un 3, un 4 et un 0. Merci !» Gillot descendit les premières marches de l'escalier. « Dites donc !» lui cria frère Bruno. « Ce drogue pompé !» abrégé par Justin, était-il d'église? Non pas, que je sache. Et le nom du chien, vous avez oublié de me le dire. Mais le compère Gillot était trop loin déjà cette fois. Frère Bruno ne sut pas le nom du chien. Voilà comme une aventure perd la moitié de son prix, grommela-t-il en rentrant dans sa cellule. J'aurais dû lui demander cela avant de lui donner mon rosaire. Mais tu ne te corrigeras donc jamais, dit-il avec mauvaise humeur. Me corriger de quoi? Tu sais bien ce que je veux dire. Mais non. « Voyons, ne mens pas au moins. Comment, vieux coquin, mentir ? » ?»« Encore de gros mots. C'est toi qui as commencé. »« Bon, bon, tu peux continuer tout seul. Moi, je ne me dispute pas sur ce ton-là. » Bruno fit en même temps un geste plein de dignité, comme pour mettre fin à cette querelle inopportune et malséante. On se tut de part et d'autre. Le fait est que de semblables discussions dégénèrent parfois en voie de fait et que, sans sa louable prudence, frère Bruno se serait exposé à se prendre lui-même à la barbe. Il vint s'accouder contre l'appui de sa petite fenêtre, mais il gardait de la rancune, et le premier venu aurait pu voir qu'il avait quelque chose sur le cœur. « Une fois pour toutes, dit-il, après un silence très court, mais plus de modération dans tes paroles. » Se fâcher comme cela tout rouge dès les premiers mots, c'est la mort des discussions. Qu'arrive-t-il? On est obligé de se taire, afin de n'en pas venir à des extrémités toujours fâcheuses. L'habit que nous portons commande une grande réserve. Tu n'es pas méchant, au fond, mais tu es inconsidéré. Allons, vas-tu nous prêcher un sermon d'une heure? Fais plutôt comme moi, et dis tes oraisons. Frère Bruno se tut en homme qui ne veut pas pousser à bout un adversaire entêté. En ce moment, son regard qui parcourait la grève avec distraction fut attiré par les brillantes étincelles jaillissant des casques et des cuirasses d'une troupe d'hommes d'armes. Cette troupe sortait du Mont-Saint-Michel et se dirigeait vers le Couesnon. Elle était composée de soldats du roi de France. À 400 ou 500 pas à gauche de cette troupe, un homme chevauchait tout seul sur un bidet de bien humble apparence. Il portait une casquette dont la visière descendait sur ses yeux, un surcot brun et des chausses couleur de poussière. « Tiens, tiens !» se dit Bruno, « mon compère Gilot n'a pas perdu de temps. Le voilà qui chemine déjà vers le manoir du Rose. Mais où vont les Soudards ?» Les Soudards suivaient à peu près la même direction que le bon compère Gilot, mais ce dernier n'était évidemment pas en leur compagnie. Il passa le Couesnon à gué. Bruno le vit entrer dans les terres cultivées sous le village de Saint-Jean. Les Soudards continuaient de suivre la lisière des grèves. « C'est égal, pensa frère Bruno, je vais piquer une épingle dans la manche de mon froc afin de songer à lui demander le nom du chien quand il me rapportera mon rosaire. » Et il ajouta en forme de résumé final « Un 3, un 4, un 0, Philippe, roi de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, son ministre, pas de nom encore comme c'est incomplet, la femme du ministre, de nom, pas davantage, le cousin, dans ce pays-là il n'avait peut-être pas de nom, mais si fait, puisque Patte d'Or s'appelait Philo. » Il se frappa le front en homme qui accouche d'une idée. « Saint Archange ! » s'écria-t-il, « pourquoi ne les baptiserais-je pas moi-même ? Voyons, j'appellerai le ministre Corentin, la ministresse Madame Ursule, le cousin Bertrand, le joueur de musette Jean-Pierre et le chien Médor. Certainement, les Macédoniens, hommes et bêtes, n'avaient pas de plus beau nom que cela. » Le soleil brûlait la pelouse maigre de la plateforme du Rose. Les bestiaux ruminaient à l'étable. Aucune figure ne se montrait aux fenêtres fermées du manoir. Mais il faisait frais sous les grands arbres, dont les bouquets s'étageaient sur la rampe nord-est de la montagne et descendaient en masses ondulantes jusqu'au premier chaume du marais. La forêt était déserte. À peine saisissait-on dans le lointain les notes perdues de quelques complaintes bretonnes, laissant tomber lentement la mélodie de ces innombrables couplets. « Messire, disait une voix bien douce sous la feuillée, et la douce voix tremblait. « Messire, je vous parle aujourd'hui pour la dernière fois. Hier, je ne croyais point mal faire en devisant avec le compagnon de mes jeux. Eh bien, Jeannine, qu'y a-t-il de changé depuis hier ? Messire, votre mère, la noble dame de Kergariou, ma maîtresse chérie et respectée, m'a fait voir ce matin que je me trompais. Il y avait deux énormes châtaigniers dont les troncs jumeaux se reliaient par un banc de mousse. Jeannine était assise sur le banc. Messire Aubry se tenait debout devant elle. C'étaient deux enfants. Aubry plus enfant que Jeannine. Ils étaient beaux et bons. Jeannine disait vrai, la pauvre fille. Hier, elle ne prenait pas même souci d'interroger son cœur. N'avait-elle pas été élevée avec Aubry ? Qui donc eût-elle aimé sinon lui, son compagnon d'enfance, son frère, son seigneur ? Mais depuis hier, elle avait appris bien des choses. Elle avait appris qu'Aubry était le fiancé de sa noble cousine, Berthe de Morvert. Elle avait appris que Madame Reine craignait sa fenêtre ouverte, sa fenêtre à elle, Jeannine. À son insu, Jeannine avait espéré hier, puisqu'elle souffrait aujourd'hui. Ses beaux yeux baissés avaient un peu de rouge à la paupière. Elle essayait de sourire, mais quand un rayon de soleil perçait la fouillée épaisse, on voyait bien qu'elle avait pleuré. « Écoutez-moi, messire Aubry, reprit-elle, il n'y a point au monde de jeune fille plus belle ni meilleure que Berthe de Morvert. « Il y a toi, Jeannine, interrompit Aubry. « Oh, moi, dit la fillette, en souriant tristement, je ne suis qu'une vassale, messire. « Et si je veux te faire dame ? Demanda Aubry en lui prenant la main. Un incarnat plus vif vint à la joue de la jeune fille. « Je vous ai dit qu'elle était bonne. Mais où est en ce monde le cœur dépourvu d'ambition ? Elle baissa ses grands yeux humides et ne répondit point. « Et si je veux te faire dame ? » répéta Aubry après un silence. « Pourquoi non ? Il l'eût fait, certes, comme il le disait. Il n'avait pas 20 ans. Oh, le rêve délicieux qui passa devant les yeux de Jeannine ! Être la femme d'un chevalier et être heureuse ! Enviée et bien aimée tout à la fois ! » Elle regarda Aubry, puis elle tira sa main. « Moi, je ne veux pas, » dit-elle d'un accent résolu, tandis que sa paupière se baissait et qu'une larme perlait à ses cils. Fin de la section 5.